La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Henri Cartier-Bresson, disparu à l'âge de 95 ans en 2004, était à la fois un grand bourgeois et un libertaire. Son père, un industriel, passait sa vie dans son bureau, même chez lui, ce qui eut pour effet de dégoûter son fils du monde des affaires. Quant à sa mère, c'est dans les romans qu'elle passait son temps, elle qui lui a donné le goût de la lecture et des arts. Cartier-Bresson a donc fait le choix d'une vie artistique et engagée, de parcourir le monde et de vivre dans de nombreux pays, comme nous l'a raconté hier Agnès Cyr au cours de notre émission biographique. Demain, nous terminerons notre cycle sur ce photographe en allant regarder ses liens avec la presse. C'est d'abord le journaliste au Monde, Michel Guérin, qui évoquera les rapports d'HPC avec le quotidien du soir avant que Clara Bouvresse ne nous parle de l'agence Magnum qu'il avait créée avec d'autres photographes, lesquels entendaient ne pas se laisser faire par la presse, justement. Enfin, jeudi, nous proposerons d'entendre une émission sur Man Ray, notamment consacrée à ses photos de mode, émission qui n'avait pas pu être diffusée durant la série de janvier dédiée à l'artiste américain. Et aujourd'hui ? Pour évoquer plus en profondeur l'œuvre de Cartier-Bresson, nous sommes avec Jean-Pierre Montier, professeur d'art et de littérature à l'université de Rennes 2 et auteur notamment de L'art sans art d'Henri Cartier-Bresson, publié en 1995 aux éditions Flammarion, un livre réédité plusieurs fois ensuite. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. Ce qui est sûr, c'est qu'il a, lui, la délicatesse de ne pas s'imposer dans le monde qu'il photographie. C'est-à-dire, ce qui m'a toujours frappé en regardant ses photographies, c'est que il est là, en effet, par le regard, et quel regard, qui n'appartient vraiment qu'à lui. Et en même temps, c'est comme s'il était absent, comme s'il s'effaçait. Oui. Et je crois que ça tient, d'une part, un art photographique, enfin un art du placement, comme on dirait en cyclisme. Et en danse. Voilà. Et puis, d'autre part, à une mobilité qui ne vient pas seulement d'une quelconque technique ou d'un quelconque apprentissage, mais qui tient à l'esprit. Gérard Massé, interrogé par Pierre Assouline, le biographe de Cartier-Bresson. Bonjour Jean-Pierre Monté. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est intéressant ce que disait Gérard Massé, cette idée d'un effacement, d'une discrétion qui n'est pas seulement un moyen de ne pas être vu des personnes photographiées, mais qui tient, disait-il, à un état d'esprit, à un esprit même. Alors Gérard Massé est un poète, et Gérard Massé comprend fort bien ce qui est originel, à mes yeux également, dans la photographie d'Henri Cartier-Bresson, par-delà l'inscription dans la logique d'un mouvement poétique comme le surréalisme, on pourrait en reparler, mais c'est quelque chose en effet de la présence, tout simplement, de la présence au monde. Et pour être présent au monde, en effet, il faut s'effacer en tant que sujet, en tant que personne, en tant qu'être social, être quasi invisible pour faire corps avec le monde. Et le livre que vous m'avez demandé gentiment de venir évoquer avec vous, donc L'art sans art d'Henri Cartier-Bresson, repose sur un rapprochement qui avait été fait vers 1980 par Henri Cartier-Bresson lui-même entre l'art photographique et l'art du zen, l'art du tir à l'arc zen précisément, qui est un art en effet de faire corps avec le monde, de danser au rythme du monde et au rythme de ses équilibres. Il y a du reste des images cinématographiques qui montrent Henri dans une rue de Chine, si mes souvenirs sont bons, dansant effectivement, prenant les passants à la sauvette, comme il avait l'habitude de le dire. Et revenant sur ce livre, plus de 25 ans après qu'il aura été édité, je me suis dit qu'il y manquait quelque chose à quoi en effet Gérard Massé fait allusion ici. C'est la marche, tout simplement, tout bêtement, j'allais dire. La marche à pied. La marche à pied. On se focalise évidemment sur cette métaphore du tir à l'arc ou du tir au fusil, etc. C'est une métaphore aussi ancienne que la photographie. Elle est d'ailleurs du reste très intelligemment utilisée par Hergé dans un de ses Tintins, avec ce personnage de photographe qui a caché une arme à l'intérieur de l'appareil photographique. Mais au-delà du tir, il y a la marche à pied, et Henri Cartier-Bresson est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup marché. Et qui a marché plutôt dans les villes, parce que il n'y a pas tant que ça de photos désincarnées. Il y a quand même souvent des êtres humains sur les photos. Oui, mais il y a des êtres humains partout. Vous savez, l'homme est une espèce un peu invasive, et y compris dans les déserts, on trouve des hommes. Et il y a de merveilleux paysages dans les quartiers Bresson, et sur tous les continents, aussi bien sur une montagne que dans une plaine, on trouve des hommes, des paysages aménagés, etc. Et on peut pas comprendre quartier Bresson si on ne saisit pas pour faire de la photo, il faut marcher si on veut faire comme l'imaginait Cartier-Bresson. Pour faire de la photo telle qu'il la concevait, c'est-à-dire une photo qui en effet n'est pas préalablement conceptuelle, ni ne passe pas par des protocoles, etc., mais qui est une vraie rencontre avec le monde et dans le rythme du monde, comme le disait Gérard Massé, alors oui, il faut aller à la rencontre des gens, des paysages, du rythme des saisons, etc. J'ai apporté avec moi un livre qu'évidemment Henri n'avait pas lu, qu'il aurait beaucoup aimé. Il est paru il y a quelques années, un livre de David Le Breton intitulé « L'éloge de la marche ». J'en lis deux lignes. « La marche s'apparente parfois à une transe, à un oubli de soi dans l'acte, comme l'archer zen, d'autant plus adroit qu'il ne vise plus une cible extérieure à lui, mais s'identifie à elle. En dépouillant les sens de leur exercice routinier, la marche rend disponible à la métamorphose de son regard sur le monde. » Voilà, l'éloge de la marche et cette réflexion sur l'usage du zen et du tir, elle prend son sens dans ce contexte-là, je crois. C'est un marcheur ou c'est un artiste, Henri Cartier-Bresson ? C'est les deux. Il y a du reste depuis très très longtemps une coexistence et une filiation entre la philosophie et la réflexion, la création et la marche, depuis au moins les péripatéticiens. Et marcher, évidemment, c'est se dépouiller. Voyager aussi, c'est se dépouiller de l'homme ancien. Il y a fondamentalement quelque chose de rimbaldien chez Cartier-Bresson. C'est le Rimbaud qui rompt les amarres et qui va au-delà du parapet du vieux monde. Mais il va à pied. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que la photographie pour Cartier-Bresson, ça n'est pas vraiment une vocation, ça n'est même pas vraiment une valeur en soi. En tout cas, c'est surtout pas un métier. Et au sens où Rimbaud encore disait « je hais les métiers », etc. C'est-à-dire que on a affaire, dans ce contexte des années 20-30 auquel il faut remonter, on a affaire à un homme en effet qui est en rupture de sa classe ou de son milieu social plutôt, et qui va chercher une contre-valeur pour en faire une valeur. Et à la même époque, les surréalistes eux aussi font de la photographie, qui était une contre-valeur, une valeur. Ils en font une valeur parce que c'est l'appareil photographique est une sorte d'appareil à écrire, de l'écriture automatique, un appareil à gommer la présence du sujet, un appareil à faire advenir le hasard, ils disent le hasard objectif, etc., etc. Donc ça, ce qui était une contre-valeur devient une valeur, et pour Henri Cartier-Bresson, il s'empare de la photographie comme d'un non-métier. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez déjà de dire en quelques minutes, Jean-Pierre Montier. On va s'employer à le déplier tout au long de cette émission. Dans la photographie, il y a un plaisir et une joie physique. Tu comprends ? C'est la liberté physique en même temps. Ce n'est pas le sport. Le sport, c'est gonfler les muscles et faire de l'effet. Il y a une compétition et je n'aime pas les compétitions. Ce ne sont pas des chevaux de course. Mais dans la photographie, il y a une part mentale, cosa mentale, et puis une chose physique, une joie physique. Et c'est la liberté. Il y a un événement qui monte. Et à un moment, il y a tout l'ordre géométrique qui est là, en même temps que l'événement. Si on n'appuie pas à ce moment-là, c'est fini, ça ne recommencera pas. Et tout est enregistré. C'est ça qui est gênant. N'est-ce pas ? Alors là, c'est ça qui est très, très décourageant. C'est plein d'épluchures, nos feuilles de contact, parce qu'on cherche une chose. Il y a une espèce de tension, comme ça, d'un événement important. On sent que ça monte. Et puis, hop, ça y est, c'est comme un orgasme, presque. Mmh. Et c'est une joie physique, la photographie. On disait l'autre jour que nous sommes des papillons, mais c'est un peu ça. J'ai vu, j'étais à l'enterrement de Churchill, et j'ai vu sur les marches de Saint-Paul un garçon qui faisait des photos. C'est certainement un reporter. Et c'est merveilleux parce qu'il était là, discret, mais sautillait. Hop, une chose, il passait à l'autre, comme ça. Il était beau comme un animal. Et c'est très rare, c'est vrai, cette élégance d'un chevreuil. Mais lui était comme ça. La Compagnie des œuvres sur France Culture avec cette archive du Bon Plaisir qui date du 14 septembre 1991. Cartier-Bresson y était interrogé par Vera Frieder. Alors la photo, c'est une activité sensuelle aussi pour Cartier-Bresson, Jean-Pierre Montier. Alors évidemment, c'est une activité sensuelle. On voit bien toutes les métaphores de l'orgasme qu'il utilise. Ça aussi, ça fait partie, si vous voulez, de ce que Henri Cartier-Bresson de la manière dont il cherche absolument à se démarquer de cette espèce de gang moralisatrice, moralisante, qui devait être en effet en partie celle des années à la fois de la Première Guerre mondiale et des années 20. Évidemment, l'éloge du plaisir, on le voit à travers cette interview si chaleureuse et si merveilleuse qu'il donne à Vera Frieder. Mais on voit aussi quelque chose qu'il va aller rechercher en Afrique. Hein. Tout ça est un jeu de valeurs et de contre-valeurs. À la fin des années 20, il part en Afrique. Vous parlez de valeur de lumière ou de valeur de société ? Valeur sociale, valeur éthique. Il va aller en Afrique où il trouvera cette façon de se comporter de façon très animale, comme il le dit. Un usage du corps, justement, qui n'a rien à voir avec l'usage, appelons-le entre guillemets bourgeois, du corps tel qu'il le connaît. Un corps sensuel. Même si on pourrait mal prendre, si l'on était africain, d'être comparé, par exemple, ou qu'on ait le sentiment d'être comparé à un chevreuil, par exemple. Mais écoutez, la beauté animale est un compliment absolu. Enfin, pour Cartier-Bresson, ça l'était. Bien, bien entendu, c'est en ce sens évidemment que je l'entends. Cette manière de se comporter avec à la fois élégance et sensualité est quelque chose qu'il trouvera là-bas, d'où cette fascination dont parlait Agnès Cyr envers la photo de Munkacsy, effectivement, mm-hmm. qui montre cette liberté des corps extraordinaires. Et là, on est dans le mouvement des corps, on est dans la sensualité, on est dans la découverte d'un autre monde grâce à ces images impromptues qu'on peut pas retoucher, mais c'est comme ça. Alors ça, c'est important ce que vous venez de dire, mais on a déjà parlé hier de cette belle photo de Munkacsy, mais on va écouter quand même une archive de Cartier-Bresson qui en parle précisément. Je pense à une photo qui m'a bouleversé quand j'étais gosse. C'est une photo de Munkacsy, un photographe hongrois qui est mort il y a quelques années, qui était faite dans les années, je ne sais pas, 18, 19, je ne sais pas, 25 peut-être, de trois gosses noirs pris de dos qui courent dans la, qui vont sauter dans la barre. Et c'est un rythme extravagant. C'est la perfection. Enfin, j'étais ébloui par ça. Si je fais de la photo, c'est peut-être pour essayer de refaire ça moi-même. Et je suis hanté par cette photo, mais le reste, pour les influences et les camarades, c'est mille choses, les influences et la vie. C'est ça, c'est-à-dire... Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être soi-même, il ne faut pas essayer d'imiter un autre. Là, c'est, j'ai essayé de faire à ma façon, n'est-ce pas, ce que j'avais vu. Ça m'a ébloui. Ça m'a, je suis très reconnaissant d'avoir vu cette photographie. Ça m'a, mais sans ça, les influences sont tellement ténues. Comment ? Vous regardez beaucoup les photographies des autres ? J'aime même pas regarder les miennes. Enfin, il faut se corriger. Alors, je regarde de temps en temps, mais... Si, de temps en temps, mais on ne peut pas trop regarder. J'aime mieux aller regarder la réalité. En réalité, on comprend assez bien, Jean-Pierre Montier, que faire de la photo, c'est tout simplement être dans la vie. Mais il y a quand même quelque chose de plus quand on a un appareil et par rapport à quand on n'en a pas. Qu'est-ce que c'est cette différence finalement entre le fait d'être dans une situation en la prenant en photo pour Cartier-Bresson et le simple fait de regarder ? Pourquoi y a-t-il ce besoin de prendre en photo ? Alors ce besoin de prendre en photo en fait... Il est rigoureusement le même, à mon sens, que le besoin d'avoir un crayon ou un stylo pour dessiner. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous voulez, la simple perception, voire la, enfin, même si Henri disait que certaines de ses plus grandes photos, il les avait dans sa tête et qu'il les avait jamais prises, mais en réalité, bien entendu, il faut d'une certaine façon faire œuvre et ne serait-ce que commencer à esquisser, à dessiner. Je crois que ce que Henri Cartier-Bresson va comprendre en Afrique, c'est que en réalité, sa passion fondamentale, c'est celle de la graphie. Voilà. Et parler de graphie permet de ne pas distinguer, au bout du compte, photo, graphie et dessin, si vous voulez. Hein. C'est du dessin automatique, c'est du carnet de voyage, c'est du carnet de croquis. À cette réserve près que la photographie ajoute une sorte de contrainte poétique. Il faut entendre le mot contrainte, si vous voulez, comme une clé de tension poétique. Elle ajoute une contrainte poétique à la contrainte de se trouver là, d'avoir le bon réflexe, parce que contrairement au dessin, il y a pas de gomme à effacer. Nous on dit une gomme, Henri disait une gomme à effacer. Voilà, il y a pas de gomme. C'est tout de suite, tout d'un seul coup. On retouche pas et cette nécessité de ne pas retoucher, il en fera une autre clé de tension poétique. Mais il faut faire œuvre parce que la réalité, si vous voulez. Et la vie dans son mouvement requiert une réponse. Et la réponse, c'est le dessin, c'est la photo, c'est tout ce que ça peut être le cinéma, si vous voulez. Et alors, cette image dont il parlait des trois enfants qui courent vers l'eau et qu'il avait tant subjugué, tout comme l'avait subjugué de manière générale l'Afrique, les objets qu'il avait pu y voir, les gens qu'il avait pu rencontrer, on pourrait imaginer qu'il y a une sorte d'animisme chez Cartier-Bresson qui voit justement de l'âme, par exemple dans les objets inanimés, et c'est une chose qu'il va peut-être aussi amplifier dans son rapport à l'Afrique. C'est exactement ça, et cet animisme-là, au fond, il est en Afrique, il sera un petit peu, comment dirais-je, développé, conceptualisé autrement en Inde, où il adorera ses journées, il sera évidemment en Chine, mais il sera aussi au Japon, où il a fait plusieurs séjours, bien entendu, et ce sont des types, alors, de religion, en tout cas, de relation au monde, ou peut-être, faudrait-il mieux dire, de spiritualité. Il y a quelque chose de spirituel, il y a une exigence de spiritualité. Lui qui n'était pas, on l'a vu hier, catholique du tout, croyant. Non, mais il avait d'autant plus une exigence de spiritualité qu'il était résolument athée et tout ce que vous voulez. C'est une spiritualité à côté, si vous voulez, des cadres religieux que l'on conçoit généralement. Mais cette exigence-là, il la retrouve évidemment incarnée dans ces diverses formes d'animisme. Et ça colle effectivement avec la photographie parce que la photographie, c'est pas simplement une technique d'enregistrement, c'est une technique d'enregistrement dans le temps, dans le mouvement, et c'est un art du temps, quand bien même elle le suspend. Et cette façon de concevoir, de construire du temps à l'intérieur d'une image, alors même que le temps évidemment s'en est effacé, c'est tout le paradoxe de la photographie et son risque. Est-ce que on le sent cet animisme dans ces photos, et si oui, dans quelles photos selon vous? Écoutez, il est dans toutes les photos de paysages, il est aussi dans les photos, il a fait beaucoup de portraits. Il est aussi dans ses portraits, dans un certain nombre de ses portraits, la qualité de présence qui en émane. Je pense parmi plein d'autres à la photo qu'il va faire de William Faulkner avec ses chiens à ses pieds, ou à la photo de Truman Capote, où il est dans les portraits, donc il est dans les paysages. Il est aussi dans les situations que l'on interprète en termes de photojournalisme, parce que son photojournalisme aussi participe de ça, sa manière de traiter l'événement, le faire venir à la surface de l'image. C'est un peu l'inverse, si vous voulez, de ce que font certains activistes aujourd'hui qui, suscitent le crime pour pouvoir le photographier. Enfin bon, là, c'est l'inverse. Hein. On est absorbé. Enfin, Henri Cartier-Bresson, dans ses images qui relèvent du photoreportage, fait corps avec la survenue de l'événement pour le restituer. Il est dans l'événement lui-même, ou est-ce qu'il est extérieur à l'événement? Il est forcément extérieur, bien entendu. Mais l'événement, c'est un corps à corps entre la survenue de l'histoire et la conscience que l'on a du cours de cette histoire. C'est ça la danse du photographe, par exemple on photographie, je ne sais pas, des gens en train de danser, il faut se mettre à danser avec eux. Il faut se mettre au diapason de la personne qu'on photographie, ou des personnes qu'on photographie. Alors c'est pas seulement les gens qui dansent ou qui sont en marche, c'est vraiment le rythme du monde. Il faut se mettre au tempo du monde pour arriver à le photographier. Non, mais si vous voulez, cette référence au tir à l'arc zen, en réalité, elle avait été donnée à Henri Cartier-Bresson par Georges Braque en 1958. Et c'est Braque, qui n'est pas un peintre surréaliste, comme vous savez, qui avait compris qu'il fallait pour rendre service en quelque sorte à Henri Cartier-Bresson, qui était un peu à côté des cadres conceptuels validés à l'époque. Il lui a dit, voilà, tu n'as pas besoin de faire une théorie de la photographie, elle est déjà faite. Et elle est dans le livre de Herigel. Donc Herigel, puisque vous allez par là, c'est justement l'auteur allemand, le philosophe allemand du tir à l'arc. Voilà, et dans cet ouvrage, qui est un ouvrage à la fois de philosophie et de sagesse, on a cette idée, si vous voulez, que c'est la totalité du monde qui est rythme et danse. Hein. Tout est rythme et danse, pas seulement les gens qui, dans tel hôtel à Moscou, sont en train de danser, mais tout est rythme et danse, et que cette plasticité universelle, cette espèce de vitalité universelle, il se trouve que dans la sagesse zen orientale ou taoïste, c'est l'art du tir à l'arc qui permet de la saisir, mais d'une certaine façon, en effet, si on va jusqu'au bout de la métaphore, l'appareil photo est un appareil à tirer, et lui aussi il tire. C'est le fameux tir photographique. C'est le tir photographique, voilà. C'est le tir photographique, mais qu'il ne faut pas, me semble-t-il, dissocier de son art de la marche. Un peu comme s'il fallait toujours garder en même temps, au moment où on tire, que ce soit à l'arc ou avec un appareil photo, à la fois une très grande maîtrise, ça pourrait être la géométrie, la composition, oui, et en même temps un abandon complet. C'est les deux à la fois, l'oubli de soi, faire le vide, et en même temps la cible, elle est évidemment intérieure. Hein. C'est soi que l'on vise. C'est de l'autoportrait, parfois? Non, c'est pas de l'autoportrait. C'est de l'auto-effacement. L'abandon, si vous voulez, de toute volition, de toute volonté, et un art dont la maîtrise consiste, en fait, à se mettre au diapason de la présence du monde. Et c'est en cela que c'est de la poésie. L'appareil photographique est pour moi un carnet de croquis. L'instrument de l'intuition et de la spontanéité, le maître de l'instant qui, en termes visuels, questionne et décide à la fois. Pour signifier le monde, il faut se sentir impliqué dans ce que l'on découpe à travers le viseur. Cette attitude exige de la concentration, de la sensibilité, un sens de la géométrie. C'est par une économie de moyens et surtout un oubli de soi-même que l'on arrive à la simplicité d'expression. Photographier, c'est retenir son souffle quand toutes les facultés convergent pour capter la réalité fuyante. C'est alors que la saisie d'une image est une grande joie physique et intellectuelle. Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. C'est une façon de vivre. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Photographier, c'est une façon de vivre, Jean-Pierre Montier, disait Henri Cartier-Bresson dans une lecture ici de Laura Brühl, extraite de L'instant décisif. C'est une façon de vivre la joie, et davantage la joie que le plaisir. Parce que pour Cartier-Bresson, il y avait une hiérarchie entre ces deux choses-là. Et ce qu'il photographie, c'est davantage la joie. Alors oui, c'est la joie. Je parlais tout à l'heure de cette dimension spirituelle. Un des chapitres de L'art sans art dans un quartier Bresson s'intitule, si mes souvenirs sont bons, La grâce. Et en effet, la joie ou la grâce, alors qu'ils sont des concepts esthétiques qui paraissent un petit peu anciens, voire complètement vieillots, me semblent essentiels. La grâce, c'est tout simplement ce qui est donné. C'est-à-dire qu'on ne construit pas l'œuvre par avance. Elle est dans une relation de, surtout pas de soumission bien entendu, mais dans une relation de coexistence avec l'événement et avec le cours du monde. Et lorsque cette coexistence parvient à donner des instants de grâce, c'est un peu le sens, si vous voulez, de cet instant décisif qui est une expression qu'il avait empruntée au cardinal de Ré et dont il a détesté qu'elle lui colle à la peau. Mais bon, chez le cardinal de Ré, si vous voulez, c'est une réflexion, aller chercher l'instant décisif, il faut savoir saisir l'instant décisif, c'est une réflexion de stratège, c'est-à-dire d'homme militaire. Je l'ai, tout, hein, si vous voulez. Tout cardinal qu'il était. Il n'y a rien dans le monde qui n'ait son moment décisif, voilà. Et le chef-d'œuvre de la bonne conduite est de connaître ce moment et de prendre ce moment-là. Alors, c'est une réflexion de stratège, de la politique. On est bien d'accord. Oui, c'est la politique, c'est le chef-d'œuvre de la bonne conduite. Il y a une partie de stratégie, évidemment, hein, comme dans beaucoup d'art d'ailleurs, qui peuvent se concevoir comme des jeux de stratégie, au sens positif et pas du tout négatif du terme. Mais il y a un autre sens, donc, dans cet instant décisif, là, dans cette quête du hasard, si vous voulez, c'est l'idée que le monde est généreux. En fait, le monde est plein de grâce. Mais entendez le mot grâce dans un sens non catholique, si vous voulez, hein, non pascalien en tout cas. Hein. Le monde donne généreusement des instants de grâce, et on a inventé un appareil qui est une technique, mais qui est un appareil qui est susceptible de saisir cela. Et de témoigner de la grâce du monde. Est-ce que oui, d'une certaine façon, oui, de témoigner à la fois des événements, parce qu'il y a toujours ce côté, enfin, dans une bonne partie de ces photos, il y a ce côté en effet photo-reportage et rapport à l'histoire. Bon, mais pas seulement, ça va au-delà. Il y a des photos qui sont des moments de spiritualité absolue, mais une spiritualité laïque. Est-ce qu'il y a un rapport à la magie aussi chez Cartier-Bresson? Tout à l'heure, vous expliquiez le rapport avec le temps, finalement, que constitue la photo. La photo, c'est prouver que le passé a existé avec un objet un petit peu tangible. Est-ce que le rapport aussi au côté magique de la photo, dont on a cru dans certains endroits du monde qu'elle vous volait votre âme, c'était quelque chose qui intéressait Cartier-Bresson, avec lequel il jouait peut-être? Alors, dans une partie de son esprit, probablement, ou en tout cas de son œuvre qu'on a pu qualifier de surréaliste, il y a ce rapport à la magie. André Breton était quelqu'un que la magie, les arts magiques, etc., intéressaient beaucoup. Mais il y a chez Breton, à la fois un nihilisme et une appétence pour l'irrationnel, qu'on ne trouve absolument pas chez Cartier-Bresson, qui n'est ni nihiliste ni irrationaliste. Au contraire, ses références vont à au Quattrocento, à la rationalité au nombre d'or, à la rationalité de l'organisation du cadre pictural. C'est pour ça qu'il ne peut pas être totalement surréaliste. C'est entre autres pour cette raison-là. Il n'est pas nihiliste. Or, il y a, en particulier chez Breton, cette composante-là, indiscutablement. Elle l'est aussi... Mais il faudrait, si vous voulez, lorsqu'on parle du surréalisme, et il est important néanmoins d'en parler, parce qu'une partie des racines de l'œuvre de Cartier-Bresson sont dans le dessin, dans la peinture. Pas tant que ça dans la photo en réalité, il le dit à demi-mot dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure, mais elles sont aussi beaucoup dans la littérature. Et il y a parmi les surréalistes quelqu'un avec qui il s'entendait très bien, il s'entendait très bien jusqu'à la fin des années 30 en tout cas, c'était Louis Aragon. Mmh. Et l'une des dernières œuvres de la vie d'Henri Cartier-Bresson consista en l'illustration par ses dessins d'un très grand roman de Louis Aragon qui est Le Paysan de Paris. Alors, le hasard objectif, ou en tout cas le hasard et la grâce donnée par le hasard dans Le Paysan de Paris d'Aragon, en ce sens-là, oui, il est dans cette lignée-là, mais pas avec Breton. Alors hier, on parlait de la fameuse photo de cet homme qui marche sur l'eau. C'est d'ailleurs la photo qui fait la couverture de votre livre « L'art sans art », photo prise en face de la gare Montparnasse sur un chantier. Saint-Lazare. Saint-Lazare, pardonnez-moi. Vous disiez avant l'émission que, contrairement à ce qu'on disait hier, pour vous, ça c'est pas une photo surréaliste. Alors évidemment, ça a été pris pour une photo surréaliste. C'est ce qui me paraît singulier dans cette photographie notamment. C'est cette capacité, effectivement, qu'il y a dans beaucoup, beaucoup d'images d'Henri Cartier-Bresson. C'est peut-être l'une de ses originalités, si vous voulez. À construire des images sous les images. Comme on dit en poésie qu'il y a des mots sous les mots, si vous voulez. Moi, ce que je vois dans cette image, c'est pas seulement qu'il y a un type qui va sautant ainsi, qui va manifestement s'éclabousser... Et qui danse pas vraiment, il va simplement se planter dans la mare qu'il pense pouvoir survoler. On a l'impression qu'il va pouvoir justement marcher sur l'eau. C'est oui, ça qui est mais surréaliste. Bon, alors c'est la rime plastique effectivement avec la publicité du bonnet, mais c'est tout un ensemble. Pour moi, c'est une image qui représente les arts du cirque. Alors vous allez me dire ça ne se déroule pas et j'en conviens dans un cirque. Simplement, il y a un peu des cerceaux. Ben oui, voilà, il y a les cerceaux en bas, il y a cette espèce d'échelle, il y a les grilles et on peut imaginer derrière les grilles des lions ou je ne sais quoi. Il y a une affiche de publicité pour Brailovski qui était un pianiste, mais en l'occurrence qu'il soit un pianiste ou autre chose, on s'en fiche, ça ressemble à une image de cirque, etc. Puis il y a les toits de la gare Saint-Lazare qui après tout ressemblent à un chapiteau, vous voyez. C'est Bachelard et plein d'autres d'ailleurs qui disaient une image, ça sert à faire fonctionner l'imagination. Si une image ne fait pas fonctionner l'imagination, alors ça n'est jamais qu'un document, une archive ou tout ce que vous voulez. Alors il y a une autre image de Cartier-Bresson que vous avez peut-être en tête. Elle s'appelle Sardaigne 1963. Oui. Et pour le coup, elle est assez surréaliste parce que on voit une vieille femme sur une plage voilée, oui, et qui est enterrée jusqu'à la moitié du corps dans le sable. Et puis derrière, il y a un homme qui, lui, n'a pas de vêtements, ou en tout cas sur le torse, et qui est protégé par un parapluie, qui est aussi un petit peu enterré dans le sable. Et cette photo, on se demande où est-ce qu'il est allé trouver une scène pareille. Enfin, ça paraît complètement fabriqué. Alors, on sait très bien que Cartier-Bresson fabriquait pas ces photos. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Bien entendu. Alors, je ne sais pas si c'est un moment de magie ou un moment de folie, parce qu'il arrive aussi au monde de produire des moments de folie ou de bizarrerie absolue. Mais souvent, ce sont plutôt des clins d'œil aux images surréalistes qu'Henri Cardi-Bresson produit. Je vais vous donner un autre exemple. Henri m'avait montré une image où on était en train de préparer le livre. Et il avait beaucoup apprécié que, avant de me mettre à écrire ou à faire des études de littérature, j'ai moi-même été un petit peu photographe. Et il m'a fait un test comme ça. Il m'a montré une image de Paris, de l'île de la Cité, prise en 52 ou 54. Et il m'a dit, voilà, Paris, île de la Cité, 52, qu'est-ce que tu vois? Et je lui ai dit, mais Henri, c'est une image érotique. Et là, il était content parce que, évidemment, son image qui a été reproduite sous forme de carte postale et que peut-être vous connaissez, donc Paris, île de la Cité, c'est une image érotique. Qu'est-ce qu'on y voit sur cette image? Eh bien, écoutez, je laisse votre imagination fonctionner, mais on y voit que l'île de la Cité prise du Pont des Arts. Mm-hmm. Sauf qu'évidemment, c'est un buste de femme vu d'en bas. Il y a deux pôles. Il y a les paysages, et puis les paysages composés, comme dans Poussin, et puis les portraits. Le trottoir, ça finit par être assez... Mais le portrait, c'est la chose la plus difficile. De deviner, c'est fugitif, une expression, et puis ça doit être composé aussi. Il y a des lumières, des choses comme ça, enfin, comme la lumière tombe, un regard. Oui, mais dans des groupes aussi, on s'est dit un regard. Ah non, c'est le portrait, parce que le portrait, c'est pas une expression, c'est arriver à filer l'appareil entre la peau et la chemise de la personne. Compagnie des œuvres sur France Culture, nous parlons de l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson avec vous Jean-Pierre Montier, et en l'occurrence de ses portraits. Il y en a eu beaucoup, on pourrait citer Dali, Ezra Pound, il y a la célèbre photo de Sartre aussi, sur un pont que vous avez peut-être en tête, il y a Faulkner que vous citiez tout à l'heure. Quel est le portrait qui vous semble le plus intéressant pour vous? Parmi ceux que vous venez de enfin, je songe soudain à un autre portrait, c'est à celui de Matisse avec ses colombes. Lui aussi est extrêmement célèbre. Matisse est donc au fond dans un fauteuil. Dans un fauteuil, et il y a une cage avec des colombes. On a à la fois le peintre, le sujet qui vient poser pour le modèle, si vous voulez, qui vient poser pour le peintre, l'atmosphère de l'atelier. C'est une photo qui a à la fois une peinture et un portrait. On peut voir les choses, si vous voulez, sous les deux angles. Le portrait est aussi un art littéraire. Cartier-Bresson était un grand lecteur, pas seulement de Rimbaud, mais de Saint-Simon. Il appréciait beaucoup l'ironie, le sens du détail, qui dit tout et qui dévoile tout, lié à un début d'anecdote qui ne se développe pas trop et qui ne tombe pas dans le pittoresque. Je crois que l'art du portrait tel qu'il le pratique est aussi bien littéraire que pictural. C'est peut-être ce qui fait une de ses originalités. Ouais. Il y a le portrait de Colette aussi. Colette, merveilleux, oui. Alors c'est même un double portrait parce qu'il y a derrière celle qu'il faut appeler sa dame de compagnie. Oui, il y a une cohabitation entre les personnages d'écrivains et la photographie, pour une raison toute simple, c'est que pour des motifs alimentaires, souvent les photographes étaient amenés à faire des portraits d'écrivains, etc. Mais pour des motifs qui sont certainement aussi beaucoup plus profonds, et que j'ai développé dans un ouvrage que j'ai édité il y a 4 ans aux presses universitaires de Rennes avec Anne Reverso et David Martins sur l'écrivain vu par la photographie. Il y a une méfiance et une détestation, au moins depuis Baudelaire, et la question du drame de tout portrait, etc., de la part des écrivains. Mais il y a aussi une fascination parce qu'un certain nombre d'entre eux savent qu'ils sont en réalité des personnages et qu'ils sont extrêmement photogéniques. Et c'est évidemment un plaisir pour... Alors que Colette fait partie de ces personnages extrêmement photogéniques. Il y a quelqu'un qui s'est fait photographier. Elle jouait même un petit peu avec le photographe. Oui, comme Gide joue avec d'autres photographes. Comme Sartre aussi. Enfin, donc photographié également par Cartier-Bresson. Le strabisme de Sartre est prodigieusement photogénique. Oui. Paradoxal en plus, puisque Sartre, qui représente l'intelligence, est un homme qui louche. Enfin, vous voyez bien cette espèce de figure tout à fait singulière avec laquelle on peut jouer, oui. Mais quand il photographie des anonymes, ce qui lui arrive quand même assez souvent, ouais, dans la rue, parfois le regard est assez acerbe, mais il ne les juge jamais. Je pense par exemple à ces photos où on voit des femmes souvent âgées qui regardent des jeunes filles avec un air un petit peu à la fois dégoûté et puis peut-être envieux aussi. Donc il y a quelque chose d'un petit peu cruel, mais quand même toujours dans une forme de douceur. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a de l'empathie et surtout de l'empathie dans les photos de Cartier-Bresson vis-à-vis des anonymes? Henri Cartier-Bresson tenait absolument à éviter que l'on puisse croire qu'il photographiait des personnages célèbres en raison de leur célébrité. C'est même effectivement davantage une difficulté plutôt qu'une facilité, et tenait absolument à ce que l'on comprenne qu'il mettait sur le même pied des personnages ou des personnalités totalement anonymes et totalement inconnues. Il a ainsi beaucoup photographié, tout simplement, notamment dans Les Européens, des personnages, tantôt des paysans, tantôt des... Empathie, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, parce que là, il faut une construction de la distance aussi. Mais il y a un autre type d'art qui fait partie vraiment en profondeur, je crois, de la culture française. Cartier-Bresson est vraiment très français, hein, avec les qualités et les défauts. Parce qu'il a un style classique français? Pas en cette... je pensais pas à ce motif-là, mais moi je pensais à l'art de la caricature. Hein. L'art de la caricature, bon, chez nous pratiquement ça remonte presque au Moyen-Âge, ou en tout cas à l'Ancien Régime. Tous les premiers photographes sont aussi des caricaturistes, ou connaissent très très bien les caricaturistes, qui sont des gens de leur génération, à commencer par Nadar et quelques autres. Et cet art de la caricature, qui n'est pas un art de la, comment dirais-je, de la, enfin qui n'est pas une façon d'exercer sa méchanceté, hein, c'est autre chose. Cet art de la caricature, on le retrouve évidemment dans un certain nombre de personnages qui sont un peu ridicules, comme ce monsieur qui, voyant telle inscription sur un mur de mai 68, jouissait sans entrave, oui, si mes souvenirs sont bons, voilà le bon bourgeois qui médite devant cette phrase ou cette pensée, jouissait sans entrave, etc. C'est de la caricature, si vous voulez, oui. La grande joie, c'est la géométrie, c'est la composition. Et c'est la même chose que dans l'architecture, dans la peinture, le dessin et mille autres choses, n'est-ce pas? C'est une certaine discipline, c'est une espèce de... Et la sensibilité et la géométrie, c'est à l'intérieur de ça. Mais l'appareil photographique, tout le monde a un appareil photographique, de même que tout le monde roule en voiture. Mais qu'est-ce qu'il y a en commun entre un monsieur qui est chauffeur de taxi et un monsieur qui a une Jaguar ou une Bentley, enfin? Donc ce qui vous intéresse, c'est cela, c'est de noter les aspects de la vie et, lorsque votre image est développée, de choisir celle qui vous satisfait par sa composition et sa structure. Mais ça, on le sait quand on photographie. De même, quand on entend une chose intéressante, eh bien, on sait. Les gens disent, combien faites-vous de photos dans la journée? Alors, on peut leur demander, mais combien avez-vous dit de choses intéressantes dans la journée? Ou observez? Combien avez-vous vu de choses? Donc, au moment même où vous appuyez sur le déclic, vous savez que l'image qui va être enregistrée par votre appareil est composée de façon satisfaisante. Oui, si on n'a pas une crise de foi à ce moment-là, on le sait. Enfin, il faut être lucide, il faut être présent, il faut se concentrer. Et c'est la concentration. Ce qui vous intéresse, c'est la structure de l'image. Ah oui, ça c'est la grande joie. C'est la composition, mais ça c'est une chose assez mystérieuse, parce que tout de même le peintre a une intuition et il la corrige. Nous ne pouvons pas corriger la réalité. On prend une autre photo, c'est pour ça qu'on demande combien de photos, parce qu'on sert le sujet de plus près, n'est-ce pas? Il n'y a pas de redite, pas de retouche, on ne retouche pas. On prend une autre photo. Et si une photo est bonne, je ne peux absolument rien retirer au cadre de la photo. C'est l'intégrité de l'image. En entretien avec Georges Charansol en 1966. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette archive, Jean-Pierre Montier, peut-être en particulier sur la question de la composition qui est liée à la question du noir et blanc. Mais je vous laisse développer comme vous avez envie de le faire. Moi, j'en retiendrai d'abord le lapsus final. Il parle de l'intégrité de la photographie, vous voulez en parler de son intégralité. Mais effectivement, c'est une question d'éthique pour lui, l'intégrité. C'est un peu la même chose parce que veut pas mutiler ses photographies, donc oui. Il faut qu'elles soient, pour être intègre, il faut qu'elles soient présentées dans les journaux, notamment dans leur intégralité. Oui, alors il y a cette dimension-là, effectivement, pour éviter que un tel rédacteur en chef ne recadre ou ne supprime ou ne mésinterprète ou ne manipule, si vous voulez, l'image que le photographe lui confie. Il faut c'est une sorte de ceinture de sécurité pour le coup, ce cadre, ce fameux liseré noir. C'est donc un liseré noir un petit peu épais, voilà. Qui doit apparaître dans les publications, voilà. Par les journaux pour que Henri Cartier-Bresson sache qu'on n'a pas retouché sa photo. Voilà, on mettra peut-être n'importe quelle légende, mais au moins la photo. Du coup, ça devient un élément de style aussi, évidemment. Alors, évidemment, ça devient un élément de style. Et ça devient un élément de style. Essentiellement avec en fait un éditeur qui est quelqu'un dont il faut que l'on parle absolument aujourd'hui, c'est Robert Delpire. Parce qu'au fond, si vous voulez, ce livre L'art sans art, paru en 95 chez Flammarion, grâce à Yves Bonnefoy et à Jean-François Bariel et à cette maison d'édition, bien entendu, il est issu d'un déclic que j'ai eu moi quand j'étais étudiant. C'est lors de la parution d'un ouvrage, Henri Cartier-Bresson, photographe, un chef-d'œuvre éditorial. Donc, c'est paru chez Delpire. C'est avec une préface d'Yves Bonnefoy. Le nom est très banal, hein, j'ai envie de dire. C'est Henri Cartier-Bresson, photographe. Voilà. Quoi de plus simple et dépouillé, en effet. Si les auditeurs veulent le trouver, sauf ils le peuvent. Qu'il y a derrière cela un phénoménal travail qui est celui de Robert Delpire, d'abord, qui a un rôle essentiel dans l'histoire de la photographie en France, qui conçoit des expositions, qui connaît parfaitement, qui choisit le papier, qui choisit aussi un type de format à l'italienne qui permet de ne pas avoir de double page évidemment, mais sur la page de droite repose la photographie, sans légende, sans rien, sur la page de gauche le blanc paginaire malarméen. Pourquoi c'est si important tout cela? Alors, je vais y revenir, si vous voulez. Et Yves Bonnefoy qui, contrairement à ce qui était le cas le plus souvent, si vous voulez, ne fait pas une œuvre de préfacier de complaisance ou par amitié ou simplement pour avoir un cachet, mais produit une vraie réflexion sur la photographie d'Henri Cartier-Bresson, et c'est un texte qui fait 8-10 pages. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut un poète pour comprendre Henri Cartier-Bresson. Oui, j'ai envie de dire cela ainsi. C'est du moins ce dont je me suis rendu compte longtemps après. Je pensais effectivement que, tout simplement parce que souvent on demandait à des poètes, comme Delpire demandera aussi à Jean-Paul Sartre, de préfacer le livre d'Henri Cartier-Bresson sur la Chine. Sartre écrira très bien sur la Chine, il n'ira jamais en Chine, mais c'est pas grave, Sartre était capable de faire ça, si vous voulez. Bon, il y a une part de complaisance là-dedans. Il y a une part aussi de statut respectif des écrivains et des photographes. À l'époque, un écrivain vaut 100, quand un photographe vaut 10, et encore. Donc, vous voyez bien, ce jeu de compensation assez banal au bout du compte. Mais au-delà de cela, en fait, je me suis rendu compte, mais par la suite, que Yves Bonnefoy, depuis sa rupture en fait avec le mouvement surréaliste, lui aussi avait été initialement influencé par les surréalistes, mais depuis sa rupture avec les surréalistes, n'avait cessé depuis les années 1940-44 de réfléchir à la photographie, et de réfléchir à la photographie dans les mêmes termes en fait qu'Henri Cartier-Bresson le faisait. Et le problème pour Bonnefoy était le suivant: qu'advient-il de la poésie, de la possibilité même de la poésie, dès lors qu'on est entré dans l'ère de la photographie? On pourrait dire la même chose avec le portrait en peinture, par exemple. Pas tout à fait. Parce que la peinture, si vous voulez, demeure quelque chose qui est manuel, qui est un artefact manuel. Tandis que la photographie, non seulement En effet, c'est l'œuvre d'un bouton, d'un mécanisme, d'un déclic, mais c'est véritablement quelque chose de l'ordre de la mise en relation avec une composante du monde dont nous ne nous étions jamais aperçus que nous participions, c'est-à-dire des photons. Nous sommes, d'une certaine façon, du temps, des photons, et la photographie montre des photons. Une réaction photonique, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose de cet ordre-là qui advient avec l'apparition de la photographie. Ça, Baudelaire le note. Baudelaire comprend que photographie et poésie sont aussi antinomiques que le progrès et l'art. Bah pourtant, c'est quand même bien de la poésie sur les photos de Cartier-Bresson qui émergent. Eh bien, alors... pour Yves Bonnefoy, en effet, la photographie, en tant qu'invention, si vous voulez, en tant que technique, comme pour Cartier-Bresson, en fait, c'est le contraire de l'art. Sauf que, il y a, à moins d'être nihiliste, évidemment, ce que Bonnefoy appelle des héros de l'art, dont fait partie Henri Cartier-Bresson, le terme est de lui, des héros de l'art, qui retourne comme un gant, si vous voulez, cette aptitude au néant, en fait. La photographie, ça montre du néant. Et quelques héros retournent cela comme un gant. Alors, suite à l'archive qu'on écoutait tout à l'heure, où il était question de géométrie, de lumière et de composition, je voulais quand même vous poser cette question du noir et blanc. Pourquoi seulement ou presque du noir et blanc chez Cartier-Bresson ? Alors d'abord, il n'y a pas que du noir et blanc. Presque, c'est qu'il a pris plein de couleurs vulgaires. Mais comme vous l'avez entendu dans l'archive que nous avez fait écouter tout à l'heure, Henri Cartier-Bresson était quelqu'un d'assez vif, vigoureux et qui pouvait s'emporter. Et il s'est emporté peut-être plus qu'il ne l'aurait voulu contre ses propres photos en couleur. D'abord. Ensuite, et je reviens au livre que j'évoquais tout à l'heure, Henri Cartier-Bresson, photographe, 79, Delpire, un chef-d'œuvre. En fait, c'est pas du noir et blanc, c'est ce qu'on pourrait appeler du gris Cartier-Bresson. Mm-hmm. Parce que Cartier-Bresson et Delpire recourent chez Pictou à des tireurs qui savent exactement ce qu'Henri attend d'eux. Henri avait une expérience du tirage photographique qu'il se considérait comme plus ou moins juste titre, d'ailleurs, comme un très mauvais tireur, parce que tireur, c'est un métier. Les photos que Henri Cartier-Bresson a lui-même tirées, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, des vintage, ou quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire exactement ce que Baudelaire lui appelle de l'archive, c'est-à-dire de la mauvaise image. Bon. Mais justement, Robert Delpire va contribuer avec les tireurs de Pictou à inventer ce gris Cartier-Bresson qui encore une fois, n'est pas tout à fait du noir et blanc, qui est une couleur comme le vert véronèse ou ce que vous voulez. Est-ce que c'est avec la lumière, avec les noirs et blancs, qu'il composait ces photos ? Avec les niveaux de gris, justement, que vous évoquez ? Ça, c'est très compliqué à restituer, effectivement. Mais je pense effectivement que ces effets d'éclairage, qui sont pas seulement du clair-obscur, vont très probablement, en effet, avec la manière dont il composait le rythme de ces images. Parce que ces images sont rythmées. C'est pas seulement de la composition, c'est pas de la bête géométrie, si vous voulez, c'est un rythme intérieur que vous, auquel vous avez affaire. Et forcément, si vous voulez, le nuancier. Hein, et là, on est à nouveau dans les valeurs, sous un autre angle. Le nuancier de gris fait partie du rythme de l'image. Et là, on pense à des photos très ensoleillées, prises à Rome, à Sifnos, à Madrid, en Italie aussi. Il y a des photos avec des enfants, par exemple, qu'on voit près d'une balustrade ou sur une balustrade. Il y a un attrait aussi pour la lumière, peut-être de la Méditerranée un peu plus franche. Bon, et après, il y a aussi des photos de Berlin, il y a des photos de partout. Hein. Mais cette lumière-là, la lumière la plus forte, la plus violente, est-ce qu'il y était sensible, selon vous ? Cette lumière violente, en fait, elle est plutôt gênante en photographie, sauf qu'elle dessine des angles. Et ce sont les angles qu'elle dessine en tant qu'ombre, si vous voulez, qui sont le plus souvent exploités par Cartier-Bresson. Maintenant, on a aussi beaucoup d'images qui sont prises. Alors évidemment, la lumière, le soleil est une condition de la photographie. Mais beaucoup d'images qui sont prises, par exemple, de nuages. Ouais. Dans L'art sans art, j'ai demandé à Henri qu'il fasse ressortir des images qu'il ne montrait jamais, qui étaient des images de nuages. Des nuages, ce n'est pas du photoreportage, ça c'est clair. Donc, Merci beaucoup. Jean-Pierre Montier, il faut se procurer, si on le peut, votre livre « L'art sans art » d'Henri Cartier-Bresson, publié la dernière fois chez Flammarion en 2007, mais qui n'est pas très facilement disponible. Tout de suite, la chronique. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Cette chronique que nous propose aujourd'hui Étienne de Montetti du Figaro Littéraire. Bonjour à vous Étienne. Bonjour Mathieu. Merci également de passer nous voir. Vous nous parlez aujourd'hui d'un livre d'Alicia Gallienne qui s'appelle « L'autre moitié du songe m'appartient ». Oui, est-ce la photo d'une jeune fille au regard ardent tourné vers le lecteur qui le pousse à ouvrir le livre d'une inconnue ? Ou est-ce le titre intrigant que vous venez de citer, « L'autre moitié du songe m'appartient » On a ouvert le recueil d'Alicia Gallienne, morte il y a 30 ans, et on a lu. Sur le parvis de Notre-Dame, nous nous sommes recueillis pour oublier le manque, et la ronde des oiseaux, et la marche de ce monde, et la douleur aussi. Ces vers sont d'une poète de 20 ans à peine. C'est ainsi, depuis toujours, la poésie anime et consume des êtres qui ne connaîtront pas le flétrissement des corps et des cœurs. Kleist, Rimbaud, Henri Franck, Olivier Laronde, eux aussi avaient allumé des feux, avant de partir, trop tôt, en laissant un sillage de mots et de lumière. Et c'est précisément dans cette lignée que vous situez Alicia Gallienne. Oui, car elle a un jaillissement poétique remarquable. Les mots sont là, assemblés avec force et détermination. Il apparaît immédiatement au lecteur qu'ils ont un poids particulier. Amour, paysage, ciel, musique, nuit. Elle n'en prononce aucun en vain. Évidemment, sa mort prématurée, la tragédie d'une jeunesse interrompue, donnent une intensité plus palpable à ses vers. Mais cessons de croire qu'il faut se laisser attendrir par une souffrance pour juger une œuvre. Oublions, au fond, Alicia Gallienne, sa maladie, la malédiction qui frappe sa famille, ses amours juvéniles avec un garçon promis à un bel avenir au cinéma, Xavier Giannoli, et ne retenons que ces pages, noircies dans les années 80, elles sont éditées aujourd'hui, remontant à la surface par on ne sait quel mouvement des astres. Le temps, comme l'océan, rend toujours ce qu'il a emporté. Et c'est à Guillaume Gallienne, le cousin de l'auteur, qu'on doit la découverte de ses textes. Certes, à leur lecture, on sent l'influence des auteurs qu'elle aime. Grâce de mes jours, dans la perte de mes nuits, grâce de chaque instant, ces vers doivent beaucoup à Éluard. C'est évident, la jeune fille, souvent alitée, a beaucoup lu. Je vis dans les merveilleux nuages que Baudelaire a fabriqués pour moi, ou l'autre jour, j'ai vu Bardamu, il cherchait Robinson. Mais c'est de son cœur et pas de son esprit cultivé que sortent ses plus beaux vers. Elle parle de souffrance. Mon chemin du petit jour est un feu de braise. Elle parle d'amour. Dis-moi une chose qui te ressemble. Elle parle de chagrin. J'ai les yeux en forme de départ. Elle est mue par une aspiration à vivre, à aimer, à s'émerveiller qui vient se fracasser contre le mur des malédictions. Et vous iriez même jusqu'à dire que Alicia Gallienne semble possédée par une urgence. Oui, elle écrit comme si c'était pour la dernière fois. Bientôt la nuit va recouvrir ses poèmes qui prennent la forme d'un adieu. Et la jeune fille connaît, comme toutes les âmes aspirant à la pureté, sa lutte avec l'ange. Pour preuve, les cris de sa magnifique révolte contre Dieu qui nous émeut. Permettez-moi de vous haïr longtemps pour me persuader que vous êtes toujours là, pour me persuader que je suis toujours là. L'autre moitié du songe m'appartient, un livre qui paraît dans la collection Blanche des éditions Gallimard. Merci beaucoup Étienne de Montetti. On retrouve votre signature dans les pages du Figaro littéraire. J'imagine que vous parlez également de ce livre dans le Figaro littéraire qui paraît donc tous les jeudis. En effet. Voilà, et ben on se donne donc rendez-vous à la lecture de votre supplément. Merci beaucoup Étienne, à très bientôt. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Malonda, Pierre Cataneo, Léa Sabourin et Jérémy Kaufmann. On va continuer de parler d'Henri Cartier-Bresson jusqu'à mercredi. Demain, nous consacrons notre numéro au lien entre le journal Le Monde et ce photographe. Et puis en seconde partie, nous parlerons de l'agence qu'il a fondée, l'agence Magnum.